Morsay, Zaref, truand la galère, nique tout, c'est pour le son du terre-terre, c'est un coup, nique les Hamza, les PD, les pointeurs, les jaloux. Nous on s'en fout, on bique grave au plus à client en cours. Morsay et Zaref, t'inquiète, cous, c'est du lourd. Mon son tourne dans tous les postes de vrais voyous. T'inquiète, pas les skins, on les baisse, papa partout. C'est pour mes rebeux, mes renois et mes papdous. J'oublie pas, Kadhafi, Zaref et mes saints. Si tu dois braquer, voler, tirer, fais-le. Dealer, droguer, cramer, fais-le. Escroquer, arnaquer, trafiquer, fais-le. Respecter, prier, partir à mosquée, fais-le. Si tu dois braquer, voler, tirer, fais-le. Dealer, droguer, cramer, fais-le. Escroquer, arnaquer, trafiquer, fais-le. Si t'as les couilles de me tirer dessus, parle pas. Le 9-5, mon département le plus dangereux. Le 9-3, la banlieue qui fait flipper les feux que. Le 9-4, la banlieue des braqueurs dangereux. Le 9-2, les bons vendeurs de pilons et de la bonne peu. Le 7-8, arracheur, voleur de RS8. Le 7-7, la prison, les casseurs de bijouterie. Le 9-1, trop violent, trop hardcore jusqu'à Fleury. Le 7-5, c'est Paname, représente tous les bandits. Bon là c'est Morsay sur le son du terre-terre. Pour truand de la galère, si t'aimes pas bah va niquer ta si mère. Si tu dois braquer, voler, tirer, fais-le. Dealer, droguer, cramer, fais-le. Escroquer, arnaquer, trafiquer, fais-le. Respecter, prier, partir à mosquée, fais-le. Si tu dois braquer, voler, tirer, fais-le. Dealer, droguer, cramer, fais-le. Escroquer, trafiquer, fais-le. Si t'as les couilles de me tirer dessus, parle pas, fais-le.